Pour la suite, on va entrer dans l'aspect française. Hein. Pour rappel, vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, l'émission métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et dans cette spé française qu'on va entamer tout de suite par une doublette, ma foi, très intéressante, puisqu'on va avoir un focus, ce qui permet bien sûr de faire découvrir des groupes un peu plus en avant. Hein. Pour rappel, on est toujours sur des souhaits de diffusion qualitatifs. Hein. C'est des choses qui nous plaisent, qui nous parlent, qu'on a envie vraiment de vous faire découvrir. Et donc voilà, je vais laisser place à l'ami Thibaut qui va vous présenter son deuxième focus du jour. Rebonsoir à toutes et à tous. Pour ce second focus de la soirée, on se penche sur le groupe Celestial Swarm. Alors Celestial Swarm, c'est un groupe qui a été formé très récemment, hein, qui a été formé en 2019, et c'est un petit collectif international, donc qui réunit des gens qui viennent de trois pays différents. On a donc Iron Dust. Alors Iron Dust, il nous vient d'Australie, et il est membre de toute une palette de groupes, alors qu'ils sont assez récents, parce qu'ils ont tous moins de 5 ans, qui tapent tous dans le black et dans le brutal death. On a également William Wolf. Alors il nous vient des États-Unis, et c'est pareil, il a quelques projets qui ont l'air assez récents, mais que je ne connais pas. Et au chant, on a Thomas Blanc, un français. Alors, qui a pareil un CV assez long et qui tape dans plein de styles différents. Il est notamment membre chanteur du coup du groupe Gastropod, un très très bon groupe de gore grind, et également du groupe Helios qui fait du Black Sympho et qui est plutôt sympa à écouter également. On a donc les membres qui ont des projets qui tapent vraiment dans des styles différents. Et pour définir un peu ce qu'est Celestial Swarm, c'est du black brutal death slamisant clairement. Et assez moderne du coup dans sa prod. Ce premier album, il a été précédé d'un EP en 2019 qui s'appelait Cataclysm. Et pour avoir pris le temps de l'écouter, en fait, je l'ai vraiment déjà beaucoup aimé. Même préféré en fait, parce qu'il a un son qui est justement un peu moins moderne. Et personnellement, ce côté un peu plus crado, ça m'a parlé. L'album, il est accompagné d'une petite pochette que je trouve vraiment sympa, avec donc tout en noir et blanc, avec une espèce d'aberration lovecraftienne perdue dans le cosmos qui gobe une planète, enfin, c'est vraiment super classe. L'album s'intitule donc Gateways to the Necroverse, il est sorti en autoprod le 4 janvier. Musicalement, on est sur quelque chose d'assez sombre et d'assez froid en fait, malgré le fait que ça soit du brutal death et que du coup on ait vraiment tout ce côté rouleau compresseur et des moments un peu slam part qui vous donnent un peu envie de casser tout ce qu'il y a autour de vous. Dans l'ensemble, on reste quand même très proche du black metal, en tout cas dans les ambiances qui se dégagent du CD. Et alors on a cette batterie qui pilonne tout du long et qui vous fracasse le crâne. Et du coup, comme dans Hate Forest, c'est une boîte à rythme en fait, la batterie. Et ça renforce bien ce côté froid et mécanique des compos. Et du coup, en fait, avec tout ça, on ressent vraiment ce côté d'une espèce d'horreur qu'on retrouve sur la pochette, et cette espèce d'horreur qui dépasse complètement l'entendement, et qui dévore et bousille tout sur son passage, quoi. C'est vraiment un album que je recommande, et que j'ai trouvé très sympa à écouter. Bon, clairement, ça sera pas l'album de l'année, mais vraiment super bien composé, et clairement une très très bonne première sortie pour Celestial Swarm. Pour ce soir, on va s'en écouter un morceau, alors j'ai choisi Void Architects. Déjà, j'aime bien le nom, et puis il est assez représentatif de tout ce qu'on va pouvoir trouver sur l'album. Et donc, voilà, pour illustrer ce second focus pour aujourd'hui, Celestial Swarm, on s'écoutera le titre Void Architect, extrait de leur premier album déjà dispo. Et dans la foulée, dans l'aspect française, une autre nouveauté, avec les Chants de Nihil. Ils sortent leur nouvel album via les Acteurs de l'Ombre le 22 janvier, Le Tyran et l'Esthète. Je pense que ce nouvel effort des Chants de Nihil, on en entendra parler de nouveau via un focus ou un spotlight au moins, hein, l'un ou l'autre. Et on va s'écouter le titre « Ma doctrine, ta vanité », les Chants de Nihil, et juste avant « Celestial Swarm », c'est parti.